الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes arrivés, une fois d'Allah Azza wa Jal, au cours numéro 6 de notre livre intitulé « Al-ilm fadluhu wa sharafuhu », une compilation de paroles d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Et on a vu la dernière fois, donc la valeur du savant vis-à-vis de la valeur de l'adorateur. Donc on n'avait pas terminé ce sujet. Donc on avait vu par rapport... Donc on l'avait expliqué, on avait donné les paraboles, pourquoi le savant ressemble à la lune, ainsi que pourquoi le savant ressemble aux astres. Et qu'il n'y avait pas de différence entre les deux lorsqu'on avait parlé de la lune, et aussi des astres, et aussi pourquoi le savant, justement, n'a pas été comparé au soleil, mais à la lune. Donc il dit, Cheikh rahmallah, وَكَذَلِكَ مُعَادَتُهُمْ وَمُحَارَبَتُهُمْ مُعَادَتُهُمْ وَمُحَارَبَتُهُمْ لِلَّهِ كَمَا هُوَ فِي مَوْرُثِهِمْ فقال علي رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان الله به. Et aussi leur animosité et leur combat, donc c'est justement donc l'animosité des savants et le combat des savants, c'est l'animosité et le combat contre Allah, du fait qu'ils sont donc héritiers de ce que Allah Azza wa Jalla a descendu. Et Ali ibn Abi Talib dit رضي الله عنه, donc il dit l'amour des savants, donc c'est le chemin à suivre, ou c'est la religion qu'il faut prendre et avec laquelle on va justement adorer Allah avec. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam فيما يرويه عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة والحديث رواه البخاري. وشيخ الألباني, donc vous voyez dans le رواه البخاري وأنظر الجامع العلوم الحكام والحافظ ابن حجر والسلسلة الصحيحة Al-Hadith 1740, le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim. Donc il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith qui est, donc le hadith Qudsi, où il dit, donc celui qui combat un de mes alliés, donc il m'a déclaré ouvertement la guerre. Wa warathatu al-anbiya, sa'adatu awliya illahi azza wa jal. Et les héritiers des prophètes sont justement donc, c'est-à-dire les chefs ou les personnes les plus importantes parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi tanbihun lil ulama'i ala suluk al hadi hadi al anbiya wa tariqihim fi al tabligh min al sabri wal ihtimali wa muqabalati isa' al isa'ati al nas ilayhim bil ihsan wa rifqi bihim wa istijlabihim ila Allah bi ahsan al turuq وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره والجليل خطره. Donc il y a bien sûr, en ce moment on va prêter attention dans le fait que les savants donc suivent le chemin des envoyés d'Allah. Ils suivent le chemin des envoyés d'Allah dans la façon de propager, dans la propagation de l'islam. On va retrouver donc chez eux cette patience, le fait de supporter, le fait de rendre le mal par le bien, le fait d'être doux et tendre avec les gens, et le fait de les attirer vers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon, de la meilleure voie. Et aussi, ils vont donner cette nasiha, ils vont conseiller les gens de la façon la meilleure, c'est-à-dire ils vont donner le maximum d'eux-mêmes afin de conseiller les gens. Car, et dans cette façon-là, on va retrouver justement eux, justement donc une part de l'héritage qui est énorme, qui a bien sûr l'héritage qui reste illustre et énorme, qui est l'héritage des prophètes. Alayhim salatu wassalam. Et bien sûr, il est en même temps aussi, bien sûr, dangereux. Hein, donc c'est aussi, bien sûr, al-jalil khataruhu. Bien sûr, ça reste toujours une voie qui reste dangereuse, bien sûr, pour ceux qui ne vont pas suivre à Kulhel, la voie, bien sûr, des prophètes. Et là, on voit, donc on a justement dans la voie des savants, hein, des al-a'imma, lorsque ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, on les a vus patienter. Et on a parmi ça, bien sûr, l'histoire de l'imam Ahmed. Donc ils ont patienté. Et ils ont aussi, donc il y a aussi beaucoup de gens qui ont, lorsqu'on leur a fait du mal, ils ont rendu ce mal par un bien. Et on a, bien sûr, on commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta shiri samu timiya rahmatullah alayhi, lorsque un de ses ennemis vient à mourir, parmi ceux qui lui ont fait du mal, comme les soufis, ils s'occupaient de leurs enfants, afin de ne pas, justement, se venger de lui-même. Il avait peur de cela. Il avait peur de se venger de lui-même, le fait qu'il voyait des orphelins devant lui, et s'il ne leur donnait pas, il avait peur que c'était justement à cause de la animosité ou la haine qu'il avait, par exemple, avec justement l'adversité qu'il avait envers ses soufis. Ils s'occupaient de leurs enfants. Donc regardez comment les gens donc, donnent le bien, donc ils leur donnent le bien, alors qu'ils ont reçu justement un mal. Donc eux, ils vont justement faire le contraire, ils vont faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. وفي أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده. Il y a aussi bien sûr, donc en ce moment-là aussi on va montrer le fait que les gens de science éduquent la communauté comme le père éduque son enfant. Et c'est pas ce qu'on dit encore une fois, lorsqu'on parle du mufti par exemple, on dit samahat al-walid, samahat al-walid. Donc c'est le père. Dans le sens où pourquoi ils ont appelé donc les aïma ainsi que les ministres et même les rois appellent le mufti al-walid justement parce qu'ils ont c'est la personne du pays qui va être la plus importante. Hein, même si c'est le roi entre guillemets qui est le plus important, mais le roi il va justement obéir au mufti que lorsqu'il va faire la fête. Même le roi va obéir au mufti et il le considère comme le père par rapport bien sûr à sa noble place. Fayurabbunahum bitadrij وَالتَّرَقِّي فِي اسْتِغَارِ الْعِلْمِ إِلَى كِبَارِهِ. Et ça, c'est important. Donc, ils vont les éduquer, bien sûr, par étapes. Hein? Donc, ils vont leur faire accepter la première science, donc les sciences les plus basiques, jusqu'aux choses qui sont, bien sûr, les sciences qui sont les plus difficiles. C'est-à-dire, la personne qui décide de vouloir apprendre sa religion, elle va commencer par ce qui est simple, par ce qui est basique, par ce qui est basique, avant de commencer par les sujets qui deviennent de plus en plus importants et difficiles. وَتَحْمِيلِهِمْ مِنْهُ مَا يُطِيقُونَ. Et aussi, bien sûr, il va leur donner ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'ils sont capables de faire. On ne va pas venir, مثلاً, à titre d'exemple, à expliquer à des personnes qui مثلاً, ont besoin de savoir comment prier. On ne va pas leur expliquer l'héritage. On ne va pas leur sortir des ahkam, zakat, مثلاً. Donc, à ce moment-là, on ne va pas leur faire supporter ce qu'ils ne sont pas capables de supporter. كَمَا يَفْحَلُ الْأَبُو بِوَلَدِهِ الطِّفْلِ comme regardez l'exemple qu'il donne, c'est comme le fait le père avec son enfant lorsque il lui donne de la nourriture. Donc c'est le père lorsqu'il va donner à son enfant de la nourriture. Plus l'enfant est petit, plus bien sûr les morceaux hein, qui vont être petits. Au départ, on va même les écraser. On va tout faire pour que ce soit de façon la plus facile, afin que l'enfant ne va pas commencer à s'étouffer. Donc l'enfant ne va pas s'étouffer, comme la personne ne va pas, pas comprendre afin de détester. Celui qui veut faire fuir les gens de l'islam, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne justement n'importe quoi de l'islam. فَإِنَّ أَرْوَحَ الْبَشَرِ بِنِسْبَةِ إِلَى الْأَنْبِيَا وَالرُّسُلِ كَالْأَطْفَالِ بِنِسْبَةِ إِلَى أَبَائِهِمْ. Car les âmes des humains, par rapport aux envoyés et aux prophètes, sont justement comme les enfants par rapport à leur père. بَلْ دُونَ هَذِهِ النِّسْبَةِ بِكَثِيرٍ. Voire même, c'est encore plus que cela. C'est encore plus que cela. Parce qu'on a plus besoin, la personne a plus besoin des envoyés des prophètes que la personne aurait besoin de son père. Donc, voir que cette âme, donc l'âme qui n'a pas été éduquée par les envoyés, elle ne sera pas heureuse et elle ne va pas s'arranger comme il le faut. Car on dit que celui qui n'a pas été éduqué par le prophète, donc dans une poésie, dans une éducation où le prophète donne Yasri, hein, c'est comme s'il abreuve de cette risala. Donc c'est comme s'il n'avait pas pris donc du saint, hein, c'est-à-dire du saint de quoi? De ce qui est honorable, hein, de ce qui est justement important par rapport à cet islam. Et aussi, waqauluhu, inna al-anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhama, inna ma warathu al-ilma. Et aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les envoyés n'héritent pas de dinar ni de dirham, mais plutôt ils héritent de science. Donc regardez, les envoyés, donc ils ne vont pas hériter, hein, ils ne vont pas donner en héritage. Donc justement cela, mais plutôt, c'est quoi? C'est la science. Donc voilà, l'héritage des prophètes, c'est la science. Et cela est du fait que justement les envoyés sont complets et aussi l'illustre façon de conseiller pour la communauté. Et aussi donc le fait que leur grâce envers justement donc envers eux-mêmes, la grâce qui est sur eux-mêmes et aussi envers leur communauté, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal envers les prophètes et envers leur communauté, elle est quoi? Elle est complète, elle est énorme par rapport à cela. C'est pas trop fort. On entend fort. Ça résonne, non? Il y a des échos. Normalement, il n'y a pas d'écho. Les autres jours, il n'y avait pas d'écho. An azaha jami' al-ilal wa hasama jami' al-mawadi allati tuhimu ba'd an-nufus al-anbiya min jis al-muluk. Et aussi, donc le fait qu'on voit, c'est vrai qu'on voit par rapport au prophète que tout ce qu'on pourrait inventer sur eux, en vérité, il fait ça par exemple, hein, personne ne peut se permettre de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait ça que pour le pouvoir. Parce qu'il est mort pauvre, il aurait pu être mort parmi les plus grands milliardaires, hein, parmi les plus grands riches, avec tout ce qu'il y avait. Tous les biens qui sont venus, ils étaient partagés. Ce n'était pas pour lui. Et on sait très bien que comment il est mort. Et qu'est-ce qu'il avait justement en gage lors de sa mort. Donc il n'y a pas d'illa. Il n'y a pas de chose. Même si c'était... Et s'il y avait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc était un menteur, on n'aurait pas vu des versets comme « Abasa wa tawalla ». On n'aurait pas vu des versets qui étaient contre lui, où il montre que Allah Azza wa Jalla l'éduque. Il n'y aurait pas eu cela. Et surtout, si quelqu'un appelle à lui-même, il va faire que moi ceci, moi cela, moi cela. Il aurait appelé à lui, il n'aurait pas appelé à l'ikhlas. Déjà, c'est la plus grande épreuve. Il n'aurait pas appelé à la chose la plus importante de la religion, l'ikhlas qui dit que celui qui n'a pas l'ikhlas, ses œuvres elles sont vaines. Il n'aurait pas utilisé cette parole-là. C'est pas possible. Donc, les gens, donc il a bien sûr barré la route à toute chose où on pourrait dire qu'il serait un menteur ou bien quelqu'un qui viendrait, un gourou, ou quoi que ce soit, quelqu'un qui voudrait prendre la place, justement, les prophètes. Parce que les gens, s'il y avait eu toutes ces... Ne serait-ce qu'une chose parmi ces choses-là, les gens auraient pu dire que, bien sûr, lui ressemble au roi, ressemble à ceux qui veulent que les choses de la vie d'ici-bas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a protégé de cela. Et donc, l'a protégé de cela de la meilleure façon. ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ أَحَدَهُمْ يُرِيدُ الدُّنْيَا لِوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَيَسْهَى وَيَتْعَبْ ويحرم نفسه لولده صد هذه الضريعة عن أنبيائه ورسوله وقطع هذا الوهم الذي عصاه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها ويحصلها لولده فقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Et en plus, non seulement. Donc les gens aussi pourraient dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait pas donc d'une part de la vie d'ici-bas pour lui-même, il l'aurait voulu au moins pour sa descendance. Même si c'est pas lui qui profite, il le fait exprès, mais c'est pour que ses enfants soient bien. Et ils se seraient fatigués, ils auraient ramassé, afin de quoi? De penser justement à leurs enfants. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils profitent pas. Yajmar pour laisser quelque chose à sa descendance. Et même là, Allah justement, il y a quoi? Il y a barré la route par rapport à ça. Le fait que quelqu'un il pourrait parler comme ça, c'est que il dit justement donc Allah subhanahu wa ta'ala montre que il n'y a pas cela lorsque sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, nous Donc la compagnie ou bien nous, le groupe des prophètes, on ne quoi? On ne donne pas en héritage. Hein? Et ça, ce qu'on laisse, c'est une sadaka. Donc déjà, les enfants des prophètes, hein, ou la famille du prophète, ces enfants, ils ne prennent pas. Ils prennent pas justement de... Hein, si c'est une sadaka, si c'est un don, si on va te faire plaisir, on lui fait un petit cadeau, il prend. Là, qui n'y prend pas d'héritage. L'héritage, justement, c'est pas ça. L'héritage du prophète, c'est l'ilm. C'est pas autre chose. C'est pas dans les choses de la dunya. Donc, on voit encore une fois une route, non seulement qui est encore, je veux dire, un point qui va être barré, donc les gens ne pourront pas parler par rapport à ce sujet. Wa amma qawlu ta'ala wa waritha Sulayman ou Daoud. Mais bien sûr, par rapport à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, comme quoi Sulayman donc, a reçu de Daoud, fahuwa mirathu al-ilm wa an-nubuwwah. Par rapport au tefsir de cela, c'est. Donc l'héritage de science et de la prophétie. L'arrière, rien d'autre. Wahada bi ittifaq ahl al-ilm min al-mufassirin wa ghayrihim. Et bien sûr, tous les savants sont bien sûr d'accord par rapport à cela. Il y a un consensus. Wahada li anna Daoud alayhi salatu wassalam kana lahu al-awladun kathirun in istawa Sulayman. Et bien sûr, Daoud alayhi salatu wassalam avait beaucoup d'enfants autre que Sulayman. Il n'y avait pas que Sulayman comme enfant. Il y a eu beaucoup d'enfants. Fala au kana al-mawruthu huwa al-mal. Là, il y a que Sulayman, il y a donc, c'est même s'il y aurait eu de l'argent, Daoud, hein, bien sûr, Sulayman n'aurait pas été spécifié que par rapport à par rapport, bien sûr, à cet argent. Et là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, donc tous les prophètes, Ma'ash et les Anbiya, donc on comprend que ce hukm shar'i existait déjà, même chez les prophètes qui étaient avant lui. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, ça n'a pas été khas seulement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance, mais même avec les autres. Wa aydan. فإن كلام الله يضان عن الإخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه وليس في الإخبار مثل هذا فائدة. Donc aussi, comme ça en plus Allah leur a protégé justement par rapport à le fait de parler par rapport à ça, donc c'est de la même façon que si on venait dire maintenant telle personne est morte et son enfant a pris de lui en héritage, tout en sachant qu'on sait que chaque enfant prend de l'héritage hein, de son père, et il n'y a pas justement donc dans cet héritage de bénéfice par rapport à cette parole. Wa aidan fa inna ma qabla al-ayati wa ma ba'daha yubayyin anna al-murad bi hadhihi al-waratha yani warathatu na'am warathatu al-ilm wa an-nubuwwah la warathatu al-mal. قال تعالى لقد أتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود سورة النمل verset 15 سورة النمل verset 15. Donc il dit aussi سبحانه وتعالى donc avant et après justement le bout de verset, c'est-à-dire les quelques mots de ce verset où justement il mentionne l'héritage, là on voit que c'est l'héritage de la science et aussi de la prophétie. De la prophétie. Il ne sait pas, et ce n'est pas un héritage qui est pécunier. Donc, ce n'est pas des biens. Donc, il dit, certes, Allah Zalal dit, donc, sur la Tunnamel, verset 15. Donc, certes, nous avons donné à Daoud et à Sulayman de la science. Et ils ont dit, donc, Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui nous a préféré, donc, il nous a préféré sur beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Sulayman a hérité de Daoud. Et là, on voit par rapport au début du verset que c'est la science. Que c'est justement donc cette science. Ilma. Wa inna ma siqa hada li bayani fadli Sulayman. Wa ma khassahu Allahu bihi min karamatihi wa mirathihi ma kana li abihi min a'la al-mawahib. Wa huwa al-ilm wa al-nubuwa. Anna hada la huwa al-fadlu al-mubin. Surat al-Naml, verset 16. Donc nous avons effectivement donné à Daoud et à Sulayman une science et dire louange à Allah qui nous a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Donc là on voit bien sûr que c'est donc ce que ça c'est justement donc un fadl, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Sulayman lorsqu'Allah l'a choisi et l'a spécifié hein, par sa générosité. Donc justement cet héritage de son père, et qui est l'héritage du père, et qui est le meilleur héritage d'être un prophète, il n'y a pas meilleur héritage que cela. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, donc certes, ceci est une grâce énorme, évidente. Certes, ceci est une grâce qui est évidente. Al-Fadl al-Mubin. Surat An-Naml, verset 16. Donc c'est justement par la suite à ce qu'on avait auparavant. Surat An-Naml, verset 16. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم وإني خفت المواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سورة مريم verset 5 et 6. Verset 5 et 6. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف يعني عصبته أن يرثه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم. Et aussi donc dans sourate Maryam verset 5 et verset 6 où donc Suleyman wa afan Zakaria, donc il dit, donc Zakaria dit, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile, accorde-moi de ta part un descendant. Donc accorde-moi de ta part un descendant, justement par rapport, donc cette descendance, hein, c'est afin que quoi, donc qu'il soit justement, enfin qu'il soit prophète, qu'il soit justement comme lui, qui hérite de moi et hérite de la famille de Yaqub, hein, et fait qu'il te soit agréable, mon Seigneur, qu'il hérite de moi, qu'il hérite de la famille de Yaqub, justement parce qu'on sait qu'il y a la lignée par rapport à cela, la lignée des prophètes. Donc ça c'est quoi, c'est héritage, c'est l'héritage de la science, de la prophétie et aussi de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, de la prêche. Donc il demande bien sûr par rapport à cela, hein, il demande par rapport à cela, parce qu'il demande par rapport à cela à Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi, justement que, afin que, parce que il n'avait pas, donc ce n'était pas justement par rapport à cet héritage dans le sens mali, mais c'était surtout par rapport à l'héritage qui est justement ilmi. Ce qu'il voulait, c'était une descendance afin que cette descendance continue justement cet héritage qui est quoi, qui est prophétique. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. Et Allah bien sûr les a protégés, hein, par rapport à cela. Donc Allah a fait que justement ils n'ont pas, on ne peut pas les critiquer par rapport à l'héritage qui est quoi, qui est Mali, l'héritage justement qui est Mali, qui est Mali, pour pas que les gens disent ces gens-là, hein, donc profitent, nous font croire qu'ils sont prophètes ou nous font croire qu'ils sont ceci comme cela, afin juste de profiter des choses de la dunya. Il n'y avait pas justement cette richesse, hein, tout en sachant que cette richesse elle aurait pu très bien être, après elle, c'est une fitna pour l'homme, la richesse c'est une fitna pour l'homme, alhamdulillah, Allah il protège, il donne l'aïsma bien sûr aux envoyés. Fabourdan لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله وكلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه الحمد لله على توفيقه وهدايته. Donc cela, donc il dit loin, hein, qu'ils aillent loin, ceux qui changent, hein, ceux qui viennent altérer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et veulent répondre à son prophète et à son, bien sûr, et à la parole d'Allah. Et aussi, et à celui à qui il parle Allah. Non. Et aussi, donc, il fait que les prophètes ont été aussi donc innocentés de ce domaine-là, par rapport au domaine de la dunya. Donc, ils sont innocentés déjà par rapport à ce domaine-là. Et Alhamdulillah, qui a bien sûr donné la réussite et la guidée à Alhamdulillah pour sa réussite et pour sa guidée. Wa qawluhu, faman akhadahu, akhada bihadhin wafir. Donc, on revient au hadith qu'on a vu hier, par rapport au fait que les prophètes sont les héritiers, hein, donc les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, on revient au hadith qu'on avait vu hier. أعظم الحفوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له. Donc là, donc ça veut dire que c'est la meilleure part. Le had, ça peut être مثلا, donc la chance. Mais là, bien sûr, donc ça peut être qu'on dit, mais là c'est la part. Donc dans le sens où c'est la meilleure part et celle qui sera donc la plus profitable pour le serviteur, parce que cette part là, hein, c'est-à-dire cette science là, elle reste. Son bénéfice reste. La science d'un savant, c'est qu'il est toujours bénéfique pour beaucoup de gens, toujours bénéfique pour la communauté. Imaginez-vous, les savants, des fois, certains d'entre eux donnent des cours. Ils font ceci, ils font cela, leurs livres sont partout. Il y a eu quoi, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million de personnes qui ont peut-être dit, Cheikh Antimine, il a dit telle fois, toi. Yumkin, ça là. Quand tu vois dans le monde entier tous les livres de Cheikh Antimine, ou bien les cassettes, ou bien ceux-ci qui sont partis. Regardez un petit peu les hassels qu'ils ont. Et lorsqu'il était vivant, en plus, l'effet toi qui fait maintenant de telle à telle heure maintenant. Lorsqu'on le téléphone de telle à telle heure à sa maison. Et il répond à lui. Donc il éclaircit un sujet à lui. Des fois, il éclaircit des sujets qui sont très graves. hein, des fois des groupes qui se disputent et peut-être qui arrangent entre eux, et d'autres. Donc c'est que du manfa'a pour eux, c'est que en vérité du bénéfice pour eux. Avec quoi? Avec juste la science. Avec le fait que, hein, la science, quand on dit juste la science, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. Justement, mais regardez ce qu'ils ont eu de la part d'Allah, justement, donc c'est hadn wafir. Ils ont eu donc cette part de chance, hein, c'est-à-dire cette part de réussite qui est énorme, et regardez les hasad qui vont derrière. Imaginez-vous un petit peu les hasad. Alors imaginez-vous ceux qui sont venus avant eux, Ibn Taymiyyah et les autres, les Bukhari et les autres, et imaginez-vous aussi les compagnons, et imaginez-vous d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que c'est pas n'importe quoi, il y a naf, il y a quoi? Il y a un profit qui reste tout le temps. Pour lui, c'est qu'un profit. Donc il a laissé quoi? Il laisse dans leur tombe au moins quelque chose qui va être pour eux, justement, donc une sadaqa jariya. وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو حظ دائم نافع. Alors c'est pas juste, donc c'est-à-dire cette chance ou bien cette part, elle ne leur sera pas que profitable, c'est-à-dire c'est pas juste le fait qu'il y a de la science et le fait qu'il est religieux, mais c'est surtout, donc comme on a dit auparavant, donc une part qui va être continuelle et profitable. الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبدا الأبدين. Donc même si on va dire que même si l'on comprend que même si sa vie elle s'arrête, hein, donc, mais ce qui reste, hein, continue. Même si, imaginez, ce savant vient de mourir, mais le reste il continue, Inch'Allah, jusqu'à, hein, jusqu'à Yom al-Qiyamah, jusqu'à ce qu'il soit placé devant son Seigneur. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَوْصُولٌ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Pourquoi? Parce que ça, en plus, cette part-là, c'est quoi? C'est un lien. Avec qui? Avec le vivant, celui qui ne meurt pas. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah Zawajal qui va, hein, lui a fait perpétuer bi'idhnillah la religion d'Allah Zawajal, et justement regarder un petit peu la récompense. فَلِذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَفُوتُ. Et c'est pour ça que ça ne se coupe pas, ça ne s'arrête pas, et ça ne se perd pas, parce que c'est Allah Zawajal qui est sûr qui protège, qui se porte garant de cela. وَسَائِلُ الْحُذُودُ تُعْدَمُ وَتَتَلَاشَ بِتَلَاشِ مُتَعَلِّقَاتِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Surat al-Furqan, verset 23. Surat al-Furqan, verset 23. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم وانقطعت عنهم أحواج ما يكون العامل إلى علمه إلى عمل عفوا. وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا به إلا بالله. Donc il dit, donc subhanahu wa ta'ala dit par rapport à cela, donc par rapport à ceux qui sont justement ceux qui font le contraire, le fait qu'ils œuvrent pas, ils appellent pas Allah, ils appellent à eux-mêmes mathalan, ou n'appellent pas avec la science. C'est-à-dire celui qui n'appelle pas avec la science, ça va être munqati, hein, ça va s'arrêter. Abtar, comme il dit subhanahu wa ta'ala, inna shaniyaka huwa al-abtar. Hein, certains ennemis, c'est-à-dire les gens de la bid'a, qui sont ennemis du prophète, hein, leurs œuvres s'arrêtent. Wal-abtar, elles vont pas loin. Hein, et on sait qu'Allah, ce qu'il dit aussi, wa rafa'na laka dhikrak. Et nous avons élevé justement, hein, c'est-à-dire le ton rappel. Ta renommée. Donc pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout le temps renommé. Et la même chose pour ceux qui ont suivi. Hein, comme Ibn Taymiyyah. Les gens connaissent Ibn Taymiyyah, ils ne connaissent pas ses ennemis. Hein? Et n'importe. Et même maintenant, même maintenant dans la vie d'ici-bas, si on disait c'est Kishr al-Bani, on sait c'est Kishr al-Bani. C'est qui tes ennemis? C'est qui Sakraf? Il se fait connaître 3, 4, 5, 6 ans, il y a 10, 15, 25 personnes autour de lui, après il n'y a plus personne. Hein? Même ses élèves après deviennent ses ennemis. Parce qu'ils ont vu qu'il les a égarés. Donc c'est ça. Shaniyaka ou al-Abtar. Et là, la même chose. Pourquoi? Parce que c'est pas pour Allah. Donc si c'est pas pour Allah, laisse Allahu dawam. Parce que c'est pas mukhlis, il y a pas d'ikhlas, donc ça s'arrête un jour ou l'autre. Ça n'ira nulle part. Et c'est pour ça que dit subhanahu wa ta'ala, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Donc elle est réduite en poussière éparpillée. Donc la tadoum, elle n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est munqata, elle est disparue. Donc justement parce que celui qui cherche comme but autre qu'Allah dans ce qu'il fait, autre, c'est-à-dire que la sincérité envers Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle va disparaître, elle va être munqata, elle va être coupée, elle va être za'ila, elle va disparaître, hein. Et aussi, donc justement, tout akhal hatta l'arza qui vont être, bien sûr, qui vont être quoi, disparus, alors qu'on sait que la personne justement a besoin, hein, d'autre chose que cela. Et ça, c'est le musiba pour ces gens, pour les gens qui ne sont pas mukhlisin ou les gens qui ne sont pas dans la sunna. C'est en vérité pour eux Donc c'est un grand malheur pour eux. Mais ils ne le savent pas. C'est un grand malheur pour eux. Naam. Et après, il dit aussi par la suite, wa qawluhu mawtul alimi musibatun la tajburu. Ou la tujbaru. Wa thulmatun la tasuddu. Wa najmun tumisa. Wa mawtun qabilatin aysaru min mawtil alim. Lama kana silahu ujoudi l'ulama. ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان الموت موت العالم مصيبة لا يجبرها أو لا يجبرها إلا خلف غيره له إلا خلف غيره نعم غيره معه donc et le fait de dire que la mort du savant est un grand malheur qu'il ne peut pas revenir. Hein, là, touche pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelque chose qui va remplacer. Lorsqu'on dit que tel parmi les grands savants sont morts, qui va les remplacer? Là, touche pas. Hein? Donc, il n'y aura pas donc, cette malheur-là, justement. Donc, et aussi, c'est, donc, ce sont aussi des étoiles qui s'éteignent. Et comme on dit, comme le disent les savants, et même certains compagnons disent ça, on dit que la mort d'une tribu est plus facile que la mort d'un savant. Hein? Ça va être plus léger, en conséquence, que la mort d'un savant. Car l'arrangement et en fin de compte le bien-être de la communauté, c'est par le fait que les savants sont là, le fait que les savants existent. Et s'il n'y avait pas eux, les gens seraient comment? Comme des animaux, voire même pire que les animaux. Voire même pire que les animaux. Et donc la mort du savant est un grand malheur qui ne va pas être remplacé que si, bien sûr, le succès de quelqu'un qui devient comme lui. Hein, que si le succès, bien sûr, ceux qui seront ses héritiers, peut-être ses élèves, et qui sont alhamdoulilah forts, et qui sont capables de faire ce que Shira fait, pratiquement. Même s'ils n'ont pas son niveau, le fait qu'ils vont succéder, donc il y a que c'est eux qui vont être, en fin de compte, ses remplaçants. Bon, aïdan, fa inal ulama'a huma alladina yasusuna al-ibada wal-bilad wal-mamalik. Et aussi, certes, les savants sont ceux, donc sont eux qui vont justement quoi? Gérer. C'est-à-dire, hein, donc c'est eux qui vont gérer les serviteurs, les pays et aussi bien sûr les royaumes. فَمَوْتُهُمْ فَسَادٌ لِلنِّظَامِ الْعَالِمِ. Et leur mort, c'est justement donc un façade, hein, donc ça va justement être un mal, donc ça va, comment dire, ça va changer la nature en fin de compte, de, c'est-à-dire nizam al-alim, c'est-à-dire le, hein, le nizam, donc les hein, l'organisation l'âme du monde, l'organisation, hein, l'âme, il y en a du monde. Non. فلهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا يعني عن السلف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. Certes, car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donc qui va semer dans cette religion justement, hein, khalifan yani an salaf, qui va justement faire que Allah Azza wa Jal va semer dans cette religion justement ceux qui vont donc être successeurs des plus prédécesseurs, qui protègent. Il va les utiliser, il va utiliser ces savants-là, ces personnes de science, pour justement protéger sa religion, son livre et aussi ses serviteurs. Donc lorsqu'il protège la religion, il protège les gens de la religion, donc les musulmans. Donc on a vu pour ce qui était du point là d'hier. C'était le 37e point hier. Et là on est arrivé au 38e point. Troisième point. Shiddatu al-faqih ala shaytan. Shiddatu al-faqih ala shaytan. C'est-à-dire le fait que le faqih, donc celui qui connaît la religion, donc le savant, est dur envers shaytan. Donc il y a une shidda. Il y a le fait qu'il sera dur et ferme envers shaytan. Marawahu al-Tirmidhi min hadith al-Walid ibn Muslim haddathana Rawah ibn Janah. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقد الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد ابن مسلم. Donc ce hadith est bien sûr donc il est gharib, qu'il est étrange, لكن le معنى reste sahih, le sens il est véridique. Donc dans les snad qui va jusqu'à Ibn Abbas, qui dit que le prophète aurait dit donc celui qui connaît la religion, alors que le faqih, un seul faqih, est bien sûr donc est plus dur ou bien plus ferme que chez un, donc il est plus, enfin, il est plus difficile envers Shaitan que 1000 serviteurs ou bien que 1000 adorateurs. Et bien sûr, ce hadith qui est rapporté par Tirmidhi, comme il dit, donc Tirmidhi dit qu'il est gharib, hein, qu'il est étrange et qu'il ne connaît la chaîne de transmission que par Al-Walid ibn Muslim. Wa hadha ma'nahu sahih, là qui le sens, il est véridique. Fa inna al-'alima yufsidu 'ala ash-shaytani ma yasha fihi wa yahdimu ma baynahu ou ma yubayyinu. Naam. Donc pourquoi? Parce que le savant va justement détruire, hein, ce que Shaitan fait. Le savant va détruire ce que Shaitan fait et œuvre. Il va détruire tout ce que Shaitan va essayer d'œuvrer et de montrer aux gens. Parce que Shaitan montre, hein, avec, bien sûr, éclaircissement. Il va y montrer avec précision ou avec ilm, on va dire. Des fois, il y a du facet qui est expliqué avec ilm chez les gens du facet. Ils vont essayer d'expliquer leur facet avec ilm. Pourtant, avec soi-disant, avec science, dans le sens ils vont parler, ils vont dire beaucoup ça, ils vont trouver des façons de embellir cette chose-là. Donc, il y a une certaine recherche. فَكُلَّمَا أَرَادَ يَحْيَاءَ بِدْعَةٍ أَوْ إِمَاتَةَ سُنَّةٍ حَالَ الْعَالِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. Car à chaque fois que le shaitan veut faire vivre une innovation et veut faire, donc il veut détruire ou faire mourir une sunna, donc le savant se retrouve entre Shaitan et cet acte. Le savant va répondre. L'alimu, il va répondre. Fala shay'a ashaddu alayhi min baqa'i l'alimi bana dharanay l'umma. Et donc il n'y aura rien de plus difficile pour Shaitan que le fait que le savant demeure et qu'il soit là justement ou dans, c'est-à-dire dans les entraves ou entre dans sa communauté. Wala shay'a ahabbu ilayhi min zawalihi min bayni adhurihim. Il n'y a pas quelque chose qui sera plus aimé auprès de Shaitan, c'est le fait que bien sûr, le savant va mourir. Lorsque le savant va mourir et qu'il ne sera plus parmi les musulmans. فَيَتَمَكَّنَ مِنْ إِفْسَادِ الدِّينِ وَإِرْوَاءِ الْأُمَّةِ. Et il va bien sûr, donc à ce moment-là, il va être plus facile pour lui, يَتَمَكَّنَ. Il sera donc plus facile pour lui, afin que quoi? Qu'il va donc changer, qu'il va, l'ifsad, donc il va. Donc يُفْسِد, le savant qui va quoi? Il va détruire ou bien il va altérer, hein? Il va corrompre Nab, il va corrompre justement quoi, la religion et bien sûr en même temps qu'il va égarer aussi la communauté. Wa amal abidu faraytuhu an yujahidu yaslama minhu fi khassati nafsihi wa hayhat lahu dhalika. Mais par contre le savant, donc la différence justement, c'est encore une fois par rapport à la différence entre le savant et le serviteur, c'est que le serviteur, son but c'est de s'efforcer de quoi? De rester saint. Le serviteur, celui qui n'a pas de science, il s'efforce. Au moins il s'efforce, mashallah, de quoi? De pouvoir se protéger lui-même, de sortir sa tête de l'eau, de pas, hein, de rentrer en enfer et de justement d'adorer Allah comme il le peut. Lui déjà il se protège en lui-même. Le serviteur n'arrivera pas, en vérité, le serviteur qui n'a pas de science ne va pas réussir à éloigner, hein, les gens de Shaitan, ou bien éloigner de Shaitan des gens. Il n'arrivera pas à cela. Parce que déjà, il pense déjà à lui-même. Al-Waj, al-Tasir wa thalathun, 39e point. Al-Ilmu, yastathni sahibahu min al-la'n. Donc la science va faire que, c'est-à-dire le savant, sera bien sûr, il ne sera pas maudit. Ça sera une exception. On sait qu'il y a des choses qui sont maudites dans la vie d'ici-bas, mais le savant ne fera pas partie des choses maudites. Ou bien la science ne fait pas partie des choses qui sont maudites. Marawahu Tirmidhi. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. Donc il dit صلى الله عليه وسلم dans un hadith rapporté par Tirmidhi, et qui est Hassan, donc qui est bon, qui est considéré comme bon. Donc il dit, Abu Hurairah, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, donc la vie d'ici-bas est maudite. Tout ce qui est dans cette vie est maudit. Imaginez-vous un peu. On voit des choses et en vérité, on va même peut-être considérer que c'est beau, mais en vérité, aux yeux d'Allah, c'est maudit. On oublie des fois ça, c'est maudit. Sauf le rappel d'Allah, ce qui est donc dans, on va dire, dans la famille du rappel d'Allah, hein, dans tout ce qui est dans son sens, et le savant est celui qui apprend. Le savant, donc celui qui est l'enseignant, l'alimou, donc celui qui va enseigner les gens, wa muta'allim, est celui qui est en train d'apprendre. Donc chasse qui est muta'allim, celui qui est étudiant dans la religion. Toute chose est maudite sauf ces choses-là. Sauf ce qui a attrait à quoi au ilm. Donc on voit que tout est maudit, sauf ce qui a attrait au ilm, subhanallah. Donc il est sahadith qui est hassan. Lama kanat dunya haqiratan inda Allahi, la tusawi ladehi junaha ba'uda. Et aussi ça, c'est un hadith aussi, bien sûr, qui est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, wa ghayrihim. Et c'est un hadith qui est authentique. Il suffit de revenir à ce sujet sahiha. Comme on voit que la vie d'ici-bas, elle est quoi? Elle est haqira, elle est donc vile. Hein, donc elle n'est pas auprès d'Allah. Hein, donc Allah ne la voit pas. C'est-à-dire quelque chose d'importance. Elle n'est pas importante. Elle ne vaut pas l'aile d'une moustique. L'aile d'une moustique, on pourrait passer à côté sans y faire attention. Elle ne vaut rien. Hein, ni tu vas réussir à la vendre, ni tu vas chercher à l'acheter, ni tu vas même pas penser à elle. Hein, l'aile du moustique, elle n'existe même pas dans ton esprit. Tu penses même pas à elle, ni à la stocker, quoi que ce soit. Tu penses pas. Et regardez. Allah le voit, hein, donc, de la même façon. Bien sûr, ça, c'est un mefel. وكانت وما فيها يعني في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة. Et donc on voit donc ce qu'il y a donc justement et ce qu'il y a dans cette terre sur cette terre. Donc on voit que ça c'est la vraie malédiction. حقيقة المعنى. Et ça c'est vraiment في غاية البعد يعني عنه. Vraiment montre tout ce qui est maudit, c'est justement tout ce qui est loin. Allah déteste. Hein, on voit que اللعنة c'est encore plus fort que le غضب. L'ana, c'est plus fort que le radab, que la colère d'Allah. La malédiction, c'est tard. Hein? Donc on sait que la malédiction, c'est tard min rahmatillah. C'est être tout à fait l'autre côté, hein? Donc être vraiment expulsé de quoi? Ou être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le fait de celui qui va jurer, alors qu'il met fin dans les histoires de zina, hein, dans l'histoire de zina, on sait que si la personne vient d'être jurée 4 fois et la 5e fois, il dirait que la malédiction soit sur moi, parce que lui, il jure sur quelqu'un d'autre. Hein? Et pourtant, la femme, lorsqu'elle jure pour elle, hein, par rapport à cela, parce que elle, lorsqu'elle jure pour elle, lui, il va jurer. Donc, s'il mentirait, on viendrait peut-être faire du mal à quelqu'un injustement. Ça, donc, ça se pourrait que la personne serait, maintenant, hein, victime de cette calomnie, maintenant. Donc, si lui a menti sur elle, c'est une lana. Mais regardez la femme, si elle jure sur elle, alors que peut-être qu'elle l'a fait, mais si elle ment, elle a juste le radab, parce que c'est sur elle. Donc c'est plus grave, c'est moins grave dans le fait de jurer sur, hein, pour que tu protéges toi parce que tu as peur du châtiment, que de mentir sur quelqu'un d'autre, de faire du mal sur quelqu'un d'autre. Tu vois? C'est-à-dire que c'est plus grave de faire du mal à quelqu'un d'autre que de faire du mal à soi-même. Et regardez, l'autre c'est l'ana, et là-bas, l'autre c'est quoi? C'est le radab. Le radab, il quoi? Il sera moindre. Il est moindre que l'ana par rapport à cette solution. Et c'est comme ça que réellement on dit que l'ana, elle est pire que le radab. Et aussi, donc, wa huwa subhanahu innama khalaqaha mazra'atan lil-akhirah. Donc, cette dunya, cette vie ici-bas, elle est considérée comme semence, hein, ou elle est considérée comme terre où on sème pour la vie de l'au-delà, pour l'au-delà. Donc, ici, c'est que pour semer. Et semer, c'est les œuvres. Et semer, c'est les œuvres. Ma'baran ilayha yatazawwadu minha ibaduhu ilayhi. Donc c'est un passage. C'est un passage vers l'au-delà où la personne va quoi? Va prendre. La personne va œuvrer afin d'acquérir donc les hasanat bien sûr pour le chemin qui est après. Donc ça c'est quoi? C'est en fin de compte c'est le hein, c'est ta clé. C'est ton passeport, c'est ce qui va te permettre d'arriver dans l'au-delà. C'est ce qui va te permettre, c'est justement ton laisser-passer afin de rentrer justement là où il le faut, donc c'est au paradis. Falam yakun يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفديا إلى محابه. Il ne va pas se rapprocher donc de cette akhira, donc bien sûr le paradis, que par ce qui comprend justement le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah. On sait que c'est la chose la plus importante, le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla nous exhorte à le rappeler beaucoup. Et c'est un rappel non seulement. Il ramène quoi comme sabab? Le quoi justement? Donc l'amour d'Allah. Allah qui fait, Allah va t'aimer. Et celui qui aime Allah, donc justement, il sera son allié, il sera son protégé. Allah ne laissera pas ceux qu'il aime. Wa huwa al-ilm alladhi bihi yu'rafu Allah. La science avec laquelle on va connaître Allah. Et on revient encore une fois à la science la plus importante. Hein? On revient encore une fois à la chose la plus importante qui est justement la connaissance d'Allah. Et parmi la connaissance d'Allah, c'est justement la connaissance de ses noms et attributs. Connaître les noms et attributs d'Allah, c'est Ashraful Ulum. C'est la meilleure des sciences qui puisse exister, de connaître Allah, ses noms et attributs. Dont justement beaucoup de gens oublient, ne pensent pas à ça. Parce que plus tu connaîtras Allah, plus tu le craindras. وَيُعْبَدُ. Et aussi, donc il sera adoré. Parce qu'on va connaître aussi ce qui est halal, ce qui est haram. Comment on l'adore. وَيُذْكَرُ. Et il sera rappelé. Hein, il sera rappelé dans tes prières, dans tout, lorsque tu marches, lorsque ceci, lorsque tu vas dormir. Regardez, on sait bien que l'amal yom al layla, il y a toujours le déclare d'Allah Azzawajal. Il y a toujours le déclare d'Allah Azzawajal. وَيُثْنَ عَلَيْهِ. Il y a la louange d'Allah aussi. وَبِهِ يُمَجِّد. Et aussi de par cette science, Allah sera glorifié. وَلِهَذَا خَلَقَهَا وَخَلَقَ أَهْلَهَا. Et de, pour cela, donc Allah bien sûr a créé donc justement. Et a créé aussi ces gens de science. C'est pour ça qu'Allah a créé cette science et les gens de science. Comme Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Donc Allah justement, il montre encore une fois comme quoi on doit le connaître. Certes, Allah a créé les cieux et la terre, donc les sept cieux et autant de terres, hein, et il descend donc son ordre entre ces cieux et la terre. Encore une fois, le fait qu'il descend, on revient encore dans le fait que Allah Azzajal, il est Fissama, Allah Azzajal, donc il est au-dessus, hein, il est au-dessus des cieux, donc Fi bimana ala, il est au-dessus des cieux, donc il descend cela, afin que vous sachiez, donc maintenant il demande ta'lamu, l'ilm, qu'Allah a quoi? Et qu'Allah, bien sûr, est capable de toute chose. Et Allah est capable de toute chose. Et que la science d'Allah englobe toute chose. Et que la science d'Allah englobe toute chose. Là, on voit encore, on profite justement des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Talaq, verset 16. Donc on voit encore, donc toujours la portance. Ça c'est une preuve, et on retrouve ça justement dans le livre d'Asma wa Sifat, comme quoi les ta'lamou, afin que vous sachiez, hein, donc Allah il a créé, il dit afin que vous sachiez qu'Allah est quoi, et comme ça, donc afin que vous sachiez quoi, regardez, là on retrouve les noms, des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est capable de toute chose, et le fait que sa science englobe toute chose. فتضمنت هاتان الآياتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما لِيُعْرَفَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَلِيُعْبَدَ. Donc ces deux versets montrent clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala certes a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les cieux et la terre afin qu'on connaisse ses noms et attributs et qu'on l'adore. Qu'on connaisse Allah et qu'on l'adore. Regardez. فَهَدَ الْمَطْلُوبُ وَمَا كَانَ طَرِيقًا إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ لَهُوَ Al-Mustathna min al-La'na. Donc ce qui a été demandé, c'est justement donc la voie qui va aller donc vers Allah, c'est justement par rapport à la science et aussi donc le fait de la science et le fait d'apprendre. Donc c'est ces deux choses qui sont justement ces choses-là qui vont être exclues, hein, qui vont être exclues, qui c'est des exceptions de quoi? De cette malédiction. Elles vont être exclues de la malédiction qui tourne dans sur toute la terre, qui est partout. وَاللَّعْنَا وَاقِعَةٌ عَلَى مَا عَدَاهُ. Et l'a'na, elle est bien sûr, elle est concrétisée, elle est réalisée où? Sur celui qui est justement ennemi, hein, d'Allah, celui dont Allah déteste. Allah, il a commencé par maudire Shaitan, et tous les Shaitan qui vont sur Shaitan, et tous ceux qui sont comme lui, hein, tous ceux qui justement qui vont vers le mal. إِذْ هُوَ بَعِيدٌ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ مَحَابِهِ وَعَنْ دِينِهِ. Car bien sûr, son ennemi est justement est loin d'Allah, loin de ce que Allah aime et loin de sa religion. وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته. Donc Donc cela, bien sûr, a un lien. Donc c'est associé à quoi? Au châtiment. Cette malédiction, elle va être associée au châtiment ou dans l'au-delà. Comme la malédiction est associée à quoi? Donc justement, au dhem, la réprimande, à l'animosité. Et que automatiquement cette animosité et cette réprimande ont un lien avec automatiquement avec le châtiment. Ils ont un lien avec le châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs qui se rappellent de lui et qui l'adorent, qui le connaissent et bien sûr et qui aiment tout ce que Allah aime. T'es obligé en tant que croyant d'aimer tout ce que Allah aime et de détester tout ce que Allah déteste. C'est ça la foi. La foi, c'est d'aimer tout ce qu'Allah aime et de détester tout ce qu'Allah déteste. Tu ne peux pas choisir dans cela. Et tout ce que, bien sûr, donc tout cela. Et aussi, donc, celui qui va justement être en animosité avec Allah, donc il sera bien sûr détesté et il sera aussi bien sûr dénigré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est la prière, non? C'est ça. Donc, subhanahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va reprendre, inshallah.